gratitude. P2OP. Un monde de gratitude qui te rendra la vie rude. Parce que le temps passe, on prend ça comme une habitude. L'instinct de se demander pourquoi on en reste là, sans faire le bien car le mal toujours sera là. Sur la mélancolie je m'installe, et comme une saison, laissant le contraire me dire de faire dans la façon. Être ou ne pas être, cela dit est ma question. Quand l'avenir te rend sur la mer, tu mets toutes ces décisions. Le sentiment d'autrui, relancé dans sa splendeur, parce que la vie se dit vouloir être dans la grandeur. Une lumière décisive qui en claque sur le relatif. J'ai décidé de rester convaincu, sans additif, et que le monde s'exprime sur la phase et s'entend bien ma rime. Finissant l'envie de l'extase et son odeur marine. Le bruit de la mer reste dans ma tête, mais que puis-je faire, si ce n'est me dire qu'on y éparpille mes poussières. Un monde de gratitude. Un monde de gratitude car le désert a tous ses maux. De liberté sans alimenter ses idéaux. Je ne fais qu'être et me poser de façon libérale. Chaque fois c'est la même en me disant il faudra que je m'installe. Le temps passe mais les minutes s'arrêtent, laissant place à toujours ce qui peut te dire peut-être. En fait, je n'ai pas la prétention d'être un prophète, abîmé par la vie qui m'empêche de faire la fête. Certitude, c'est une vie rude, et je te le dis, l'encre coule dans la dérision mais pas celle d'autrui. Comme une envie j'esquisse encore mes souvenirs, sans faire de bruit où l'on entend que mes soupirs. C'est dire que dans la flaque je n'y vois que mon ombre, sans le relief de celui qui sort des catacombes. Sans le sombre j'inonde le piano de mes mots, parce que l'artiste a toujours su dire qu'il le faut. Un monde de gratitude. Un monde de gratitude où le métronome n'a plus de place, où l'on écrit et parle où on veut devant sa glace. Parce que j'ai pas peur de me regarder en face, juste un être vivant avec des textes dans sa besace. Le chasseur de nuages a toujours envie de frapper, vivant ce bon présage parce qu'il a envie de l'attraper. La ressource est aussi claire que toutes ces rivières, mais où est l'interrupteur que j'y allume cette lumière. Je laisse parler mon âme, n'y vois pas de la souffrance. Silence sur la suite, telle sera ma délivrance. Gargarisé de mon vécu, je n'en ressors que de la puissance, sans être convaincu que seul m'aura aidé la France. Le passé sera étouffé par son futur encore si loin, sans jamais être lassé de passer du plus au moins. Je suis né de ce temps où l'on croyait encore que l'on était sur terre pour que le rêve soit plus fort. Je suis né de ce temps où l'on croyait encore que l'on était sur terre pour que le rêve soit plus fort.